Bonjour ami Bélier, on va voir ce que nous dit l'oracle de Béline pour vous en cette fin d'année 2022, donc pour le mois de décembre. Allons-y. Alors, prenez garde à ne pas tomber malade lors d'un déplacement pour les fêtes, ce sera un petit peu dommage, donc couvrez-vous bien, ça c'est la coupe. Couvrez-vous bien et faites attention, hein, parce que les grippes traînent, notamment, il n'y a pas que ça. D'ailleurs, j'ai la voix un peu rauque parce que moi-même, je suis en fin de grippe actuellement. Protégez-vous aussi de tous les autres virus, bien sûr. Alors, ça, c'est la coupe qui vous le dit. Maintenant, le tirage. Qu'est-ce qu'il vous dit, le tirage? Pour décembre. Ben, écoutez, apparemment, ami Bélier, pour ce mois de décembre, vous allez avoir peut-être qu'une affaire amoureuse va se résoudre, ou vous allez en tout cas avoir un nouveau départ sentimental en ce qui concerne les célibataires. Là, on voit vraiment qu'un nouveau départ amoureux commence et vous réjouit. Et puis, si vous êtes en couple, eh bien, peut-être que vous aviez besoin de vous rapprocher et en tout cas, les fêtes vont vraiment être l'occasion pour vous de vivre pleinement et de partager pleinement cet amour. Donc réjouissez-vous et évitez les petits rhumes pour pouvoir être au top de votre forme. Voilà, à bientôt!